Je bluffe et relance. Belle occasion perdue de ma crème. En tout cas, j'ai perdu la main dans notre petit jeu. Elle m'a l'air bien accrochée. Mais à qui? Chez les hommes d'ici, je ne vois pas. Je suis sûr de n'avoir pas des conquérants dans les pattes. Mais elle, qui tient-elle sa malassurance? C'était féminine et sans.